Violemment accusé par Voltaire, notamment sur sa vie privée, Rousseau entreprit les confessions pour se justifier. Dans la première partie, écrite de 1765 à 1767, il raconte sa vie de 1712, sa naissance, jusqu'en 1741, son départ pour Paris. Après un court préambule, cette première partie, qui compte 250 pages, est composée de 6 livres.